11 septembre, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a fait le bilan de l'année avec Olivier Chartier de l'Association de soccer du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a quand même été une belle année pour l'Association de soccer. Explique Olivier Chartier. Très, très, très positif. Si on prend juste là, en U13, on a le tournoi des sélections générales là, qui regroupe les meilleurs joueurs de la région. Là, puis on a fait le meilleur résultat là, à vie pour notre région chez les garçons. Fait que on voit que la qualité là du jeu s'améliore dans notre région de notre côté, puis également aussi là, on a une belle participation là, dans nos ligues régionales là, aussi là, de la majorité des clubs de la région. OK, du coup, dans le deuxième temps, Olivier Chartier a mentionné que du côté des arbitres, c'était un petit peu plus difficile à trouver au niveau senior cette année. Dans le fond au niveau là, des bénévoles, on se maintient là, comme à chaque année là. On avait quand même 400 entraîneurs là, dans la région cette année, ce qui est quand même là, un entraîneur pour 12 joueurs, ce qui est très, très bien. Puis, là, au niveau de l'arbitrage, là, le perfectionnement, il avance bien, puis on essaie de mettre le plus d'efforts possible sur l'évaluation des arbitres, puis s'assurer qu'il y ait un bon suivi avec eux. C'est une pénurie de main-d'œuvre partout. Est-ce que donc de ce côté-là, ça va quand même. On devrait annoncer au cours des prochains jours la création d'une ligue de soccer de futsal. Ça va décoller dans quelques semaines. Puis on devrait également là, annoncer là, une nouvelle ligue à Alma pour dans le centre multisport. Donc, ils ont intérêt à ce concept. Là, on travaille sur ce projet-là. Également, on a eu un gros projet qui s'est concrétisé le mois dernier. On a embauché 2 adjoints techniques à temps plein à l'ARS, dont un là, qui va travailler moitié du temps à l'ARS puis moitié du temps au développement des clubs du Haut-du-Lac. 3 joueurs des Saguenay ont été retranchés au camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Il s'agit d'abord de Raphaël Harvey-Pinard, également de Samuel Hood et aussi du gardien de but Alexis Cheng. Donc, ils vont rejoindre les Saguenayens au cours des prochaines heures. Et c'était la grande finale hier, le début de la grande finale dans la Ligue de Balmol de Robertval hier. Et Pièce de Tour-Roussel a défait Garma 18 à 17. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec plusieurs intervenants du monde du sport. Et on a parlé d'abord avec Olivier Chartier, également Benoît Lavoie, qui vient nous parler de la qualification de l'Euro. On sait que ça se passe actuellement en Europe. Le sport local et régional à danradiosport.com.